Alors, nous commencerons donc l'émission avec quelques sujets de l'actualité scientifique. Alors, Valérie, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la tuberculose. Bien oui, c'est le 24 mars, la journée mondiale de la tuberculose. Ça ne fait pas la une des médias parce qu'il y a plein de toutes sortes d'actualités assez brûlantes en ce moment à travers le monde. Et ce n'est pas un hasard, en fait, si le 24 mars est la journée mondiale de la tuberculose. C'est parce que c'est effectivement un 24 mars que le bacille de Koch, alors en fait, je ne sais pas si on prononce Koch ou Koch. Koch, qui est responsable de la maladie, a été découvert. Donc, il s'appelle le bacille de Koch parce que c'est M. Koch, en fait, Robert Koch, qui l'a découvert. C'était donc le 24 mars 1882. Et bon, Robert Koch était un médecin et physiologiste allemand. Il a démontré le caractère contagieux du bacille. Et par la suite, d'ailleurs, en 1905, il a reçu le prix Nobel pour ses travaux sur le bacille de Koch. Donc, le bacille se loge généralement dans les poumons et le malade, c'est en toussant que le malade propage le bacille propage la maladie en même temps. Ensuite, en 1921, bon, quand on a fait cette découverte, on a essayé de, les médecins à l'époque ont cherché à contenir un petit peu la maladie, voir ce qu'on pouvait faire. Et en 1921, il y a les médecins Calmette et Guérin qui ont développé le vaccin préventif contre la tuberculose. Donc, c'est le fameux BCG. Donc, le C et le G, c'est pour Calmette et Guérin, je l'ignorais. Donc, dans nos pays, le BCG a permis un net recul de la maladie. Mais la tuberculose est toujours très, très, très présente dans le monde. En fait, elle n'a absolument pas disparu. J'ai été surprise. François, sais-tu combien il y a de personnes dans le monde qui sont porteurs du bacille? Tu parles en termes d'absolu ou en proportion? On va dire en proportion. Okay, donc, écoute, je ne sais pas du tout. Je sais qu'il y a des virus qui sont très répandus. Celui-là, j'en ai pas la moindre vérité. Ouais. Ben, j'étais surprise, mais il y a un tiers de la population qui est porteur du bacille. Okay. C'est quand même vraiment impressionnant. Donc, il y en a sur tous les continents, mais les principaux foyers d'infection sont quand même en Afrique et en Asie. Mais est-ce que tous sont malades? Non, effectivement, donc tous ne sont pas malades, sinon ce serait une véritable épidémie à travers la planète, un tiers de la population mondiale. Donc en fait, il y a entre 5 et 10% des porteurs qui sont effectivement malades. Donc la plupart du temps, le bacille, il est dormant, donc il ne s'exprime pas. Et le bacille devient actif. Donc c'est quand le bacille devient actif que la maladie se déclenche. Et le bacille devient actif quand le système immunitaire de la personne est affaibli. Donc ça arrive par exemple quand une personne est affectée par le VIH, ou alors tout simplement avec la vieillesse aussi, hein, en vieillissant notre système immunitaire s'affaiblit. Et il y a d'ailleurs effectivement des personnes qui acquièrent le bacille de Koch quand ils sont relativement jeunes mais sans tomber malade, donc ce sont des porteurs. Et bon, ils l'hébergent toute leur vie sans que rien ne se passe, et au cours de la vieillesse, eh bien, il tombe malade. D'ailleurs, en parlant du VIH, il y a une forte co-occurrence entre le virus du VIH et le bacille de Koch. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont malades du sida et qui sont aussi porteurs du bacille de Koch. Et ils développent la maladie de la tuberculose, parce que justement, leur système immunitaire est affaibli. Mais est-ce que c'est la tuberculose qui est associée au VIH? Comment ça s'appelait? Ça s'est terminé par Carini. Je ne sais pas. C'est vraiment d'autres choses. Ouais. Mais en tout cas, donc, ces gens-là qui sont des sidéens, ils ont leur système immunitaire affaibli. Donc, si en plus ils hébergent le bacille de Koch, ils n'arrivent pas à le contenir. Donc, ils développent la tuberculose. Et finalement, ils meurent de la tuberculose avant de mourir du sida, ces gens-là. Bon, normalement, on peut soigner la tuberculose. C'est ça qui est quand même assez... Il faut quand même comprendre, dans notre monde quand même aujourd'hui développé, on a tous les outils, les antibiotiques pour soigner la tuberculose. On fait un traitement assez intensif avec des antibiotiques et au bout de 6 mois, la personne est guérie. J'imagine qu'à l'origine, on traitait ça avec de la pénicilline, probablement. Oui, probablement, c'est ça. Mais maintenant, c'est un cocktail d'antibiotiques quand même plus élaboré. Oui, en plus, c'est ça, exactement. Et le problème, c'est que ces antibiotiques, même si c'est des médicaments de base, c'est pas de la haute technologie, c'est des antibiotiques, et ils sont pas accessibles à la plupart des gens qui sont malades. Ouais, surtout, je pense qu'on associe aussi beaucoup la tuberculose à la pauvreté également. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, il y a environ 2 millions de personnes chaque année qui meurent de la tuberculose. Et puis, ben, il y a un autre problème, tu le mentionnais, donc les prescriptions, même quand les gens qui reçoivent des antibiotiques et qui ont une prescription, elles ne sont pas toujours très bien suivies, de sorte qu'il y a des bacilles, les bacilles ont développé une résistance aux antibiotiques. Et donc maintenant, il y a des formes ultra-résistantes ou multi-résistantes du bacille qui sont en circulation. Donc ça va devenir ça rend encore plus difficile de soigner tous les gens. Il faut trouver à ce moment-là d'autres antibiotiques. Oui, c'est ça. Donc il faut trouver effectivement, donc il y a on commence par injecter un premier cocktail, premier cocktail d'antibiotiques, et là pour ces bactéries quand elles sont encore plus résistantes, il faut donner d'autres sortes d'antibiotiques encore plus forts. L'OMS a un objectif quand même d'ici 2015 de réduire la prévalence et la mortalité de la tuberculose de 50% par rapport à ce que c'était en 1990. Et puis, on observe effectivement un léger fléchissement depuis 2002. Alors, on va souhaiter que ça se poursuive dans les années qui viennent et qu'effectivement, il y ait moins de gens à l'avenir qui meurent de cette maladie. Qu'on sait guérir, c'est vraiment ça, c'est qu'on sait la guérir. Tout à fait. Mais on ne sait pas comment acheminer les antibiotiques au bon endroit, apparemment, c'est le problème. Et ça prend une bonne observance aussi, comme on disait. Oui, exactement. Il faut savoir les prendre comme il faut. Et jusqu'au bout, surtout. Et jusqu'au bout, oui, absolument. Donc voilà pour cette journée mondiale de la tuberculose. Toi, de ton côté, François, la nouvelle que tu as trouvée nous amène aux origines de la vie. Donc il y aurait une nouvelle preuve de l'apparition, comme quoi l'apparition spontanée des acides aminés expliquerait l'origine de la vie. Alors Valérie, les briques de la vie seraient bel et bien, se seraient bel et bien formées il y a 4 milliards d'années dans un environnement très austère. Grâce à leurs émissions de sulfure d'hydrogène, les volcans auraient permis la fabrication d'acides aminés soufrés, dont le rôle est nécessaire aux organismes vivants. Alors au début des années 50, le célèbre chimiste Stanley Miller émettait l'hypothèse que la vie sur Terre serait apparue dans une soupe originelle contenant des substances inorganiques soumises à quelques sources d'énergie. Or, cette hypothèse vient d'être appuyée par un nouvel élément, réalisé en 1952 puis publié en 1953 dans la prestigieuse revue Science. L'expérience de Miller avait montré l'apparition spontanée de certaines molécules qui sont à la base de la vie. Oui, je me souviens avoir vu ça dans mes cours de biologie, cette expérience. Mais il y avait eu des critiques, non, qui avaient remis en cause cette théorie, qui disait que les acides aminés observés auraient pu provenir d'une contamination expérimentale et que ça mettait en doute les résultats, finalement, la pertinence d'avoir déduit la composition de la soupe originelle sur Terre en se basant sur ce qu'on retrouve sur Jupiter maintenant. Oui, Valérie, mais Stanley Miller et son collègue Harold Urey, en fait, qui est un détenteur d'un prix Nobel de chimie en 1934, prétendaient reproduire les conditions telles qu'on les imaginait sur la Terre primitive il y a plus de 3 milliards d'années. Alors ainsi, ils ont mis trois gaz du méthane, de l'ammoniac et de l'hydrogène et de l'eau, toutes de très petites molécules, dans un ballon. Et ils ont fait bouillir le mélange pendant une semaine. Alors en plus, ils ont fait passer des décharges électriques pour simuler des éclairs. Et ils ont exposé le mélange à des rayons ultraviolets pour simuler la présence du soleil. Alors une semaine plus tard, ils ont observé de nouvelles liaisons chimiques entre tous les éléments qui étaient présents. Parmi les molécules, ils ont identifié de l'urée, du formaldéhyde, et quelques acides aminés, qui sont en fait les briques qui constituent les protéines. Mais cette première démonstration de la formation de molécules biochimiques n'était malgré tout pas très complète, puisqu'elle n'avait pas pu montrer l'apparition de l'ensemble des 22 acides aminés que l'on retrouve dans les organismes vivants. Mais alors ensuite, est-ce que Miller a persévéré dans ses expériences pour trouver d'autres preuves qui lui permettraient d'aller plus loin dans ses conclusions, pour trouver les autres acides aminés manquants ou d'autres molécules organiques? Oui, Valérie, parce que 5 ans plus tard, en fait en 1958, il a réalisé de nouvelles expériences similaires. Mais à cette époque-là, il a utilisé d'autres combinaisons de gaz plus proches de celles que l'on retrouverait près des volcans. Alors, ces nouvelles combinaisons renfermaient du sulfure d'hydrogène, le gaz qui sent les œufs pourris, Mais malheureusement, Miller ne disposait pas, à cette époque, de méthodes analytiques suffisamment précises pour identifier toutes les tous les composés présents dans son réacteur. Ah, d'accord. Alors, lorsque Miller est mort en 2007, des chercheurs ont trouvé, ils ont retrouvé l'appareil qu'il utilisait pour ses expériences et ils ont analysé, 50 ans plus tard, les échantillons qu'il avait conservés et qui ont été retrouvés dans son laboratoire. Ah oui? Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, ces échantillons ont été analysés avec la technologie et les méthodes analytiques actuelles, qui sont bien plus performantes et sensibles que celles de l'époque. Qui aurait sans doute limité la détection de certaines molécules présentes en trop faible quantité. Oui, oui. Alors ici, en 2008, grâce à la spectrométrie de masse, les chercheurs ont annoncé, dans la revue Science, la découverte de 22 acides aminés dans les vieux échantillons de Miller. Et selon un autre article paru tout récemment dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, un 23e acide aminé aurait été identifié. Donc là, la soupe commence à se compléter, là. Oui, effectivement, ça devient un potage. Donc, ouais. Donc, est-ce que les méthodes analytiques modernes ont pu dévoiler autre chose que des acides aminés? Est-ce qu'on a trouvé d'autres types de molécules? Parce qu'il n'y a pas juste des acides aminés pour faire un être vivant. Oui, en fait, Valérie, un autre indice montre que la formation de ces molécules n'est pas un artefact. Les chercheurs ont retrouvé en quantité égale les deux formes symétriques que peuvent prendre les acides aminés, ce qui prouve que leur apparition n'est pas due à la présence d'un micro-organisme contaminant. Ah! Mais ce qui est bien là, la signature d'une synthèse en laboratoire. Et pourquoi donc? Ben, alors, si l'apparition des acides aminés avait été le fruit d'une contamination par un micro-organisme ou toute autre forme d'organisme vivant, une seule forme symétrique serait apparue, la forme dite L, qui est largement prédominante dans les êtres vivants. Alors qu'en laboratoire, il est beaucoup plus difficile d'obtenir une seule forme symétrique. Ah, on obtient toujours les deux formes symétriques moitié-moitié. Ouais, tu veux dire que là, bon, chaque molécule existe sous deux formes. Qui sont comme nos mains, là. Comme nos mains, main gauche, main droite. C'est ça. Mais que, donc, dans la nature, il y a principalement une forme, il y a juste la main gauche. Exactement. Il n'y a pas la main droite. Et si, dans les expériences, en laboratoire, il aurait été impossible de n'obtenir comme par hasard que la main gauche. Exactement. Donc, on a obtenu un mélange. Oui. D'accord. C'est possible en chimie d'obtenir rien que la main gauche. Ça prend des structures de synthèse très complexes. Ouais. Mais simplement, en mélangeant des constituants comme ça, c'est impossible. On obtient moitié un, moitié l'autre. Donc ça prouve que ce n'est pas une contamination, mais que c'est bien le résultat de l'expérience de Miller. Exactement. Et la découverte la plus importante reste le fait que des atomes de soufre entrent dans la composition de certains des acides aminés obtenus. Ouais. La méthionine et la cystéine, par exemple, les deux acides aminés soufrés qui font partie de la famille des acides aminés biologiques, auraient ainsi pu être créés dans l'atmosphère primitive. Les gaz soufrés émis par les volcans auraient donc joué un rôle important dans la formation de la vie sur Terre. Ah oui. C'est ça la principale conclusion. Oui, d'accord. C'est vraiment très intéressant. Oui, c'est ça. Bon, c'est assez fascinant de retrouver ces vieux échantillons, une expérience qui a été conçue il y a 50 ans. Oui, 50 ans. Puis qu'on analyse avec les méthodes modernes. Puis finalement, il n'avait pas tort. Il avait une bonne idée quand même, M. Miller. Puis de retrouver toute la soupe, finalement. La soupe. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est aussi de voir que ces échantillons-là n'aient pas été détruits avec le temps. Ouais. Des acides aminés, effectivement, ça a probablement été gardé au froid, j'imagine. Probablement. Tout ce temps-là. Alors, très intéressant. Merci beaucoup, François. C'est effectivement assez fascinant. Ouais. Alors, maintenant, on va faire une pause publicitaire sur... Mais pas plus publicitaire, excusez-moi, une pause musicale sur CKRL 89,1.